Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec la mort, une série de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a la grande peur métaphysique, l'inconnu pour toujours, des souvenirs d'enterrement en plein vent et des corps étendus pourtant si familiers et devenus étrangers. Il y a aussi des morts incongrues en plein été, des hôpitaux où soudain on se met à aller trop souvent et où l'on arrive le ventre noué avec en tête la possibilité de trouver un lit vide. Alors pour commencer, les personnages. Une étudiante en médecine, un médecin légiste anthropologue, une femme qui gère la chambre mortuaire, un étudiant qui fait tomber un corps, une interne et son premier mort, un psychanalyste face au meurtrier, Ötzi, des agents mortuaires passionnés et Hippocrate. Ensuite le décor. L'hôpital, l'odeur de la mort, du baume du tigre, la peur d'être enterré vivant, la putréfaction, des caisses de pieds et de bras, une course de brancard, l'embaumement, le commerce de la mort, les momies siciliennes et les tourbières. Aujourd'hui, 4e épisode, on ne choisit pas où l'on meurt. Mourir à l'hôpital. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Coraline Nézard, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes dans votre 6e année, vous passerez l'internat bientôt. Les étudiants en médecine ont-ils un mot particulier pour parler des morts, des cadavres ? Je ne pense pas qu'on ait de mots particuliers. Au contraire, on est assez, on va dire, technique. Comme c'est des choses qu'on voit régulièrement dans nos cours. Finalement, c'est ça, on parle de quelqu'un qui décède. J'ai vu un mort, j'ai vu un patient décédé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de mots ou de jargon particulier. Pas d'excentricité ou d'humour particulier par rapport à ça. Voilà. Vous avez eu des cours de Philippe Charlier, qui est médecin légiste. En fait, on a des dissections qui ont lieu en deuxième et troisième année. Et pour aborder ces dissections, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites à la fac. On n'avait pas vraiment de cours de préparation. Pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'était une dissection, qu'est-ce qu'on attendait de nous, comment est-ce qu'on devait considérer la personne décédée qui était en face de nous. On a eu l'idée de fonder ce pôle médecine éthique et donc de faire appel, de contacter Philippe Charlier pour qu'il nous fasse un cours un peu sur la mort et sur la préparation aux dissections en fac. Donc on l'a contacté, il nous a répondu assez rapidement. On se souvient beaucoup d'étudiants dans la salle et il nous a aussi pas mal... expliquer comment se comporter vis-à-vis d'une personne décédée. Philippe Charlier, je vous présente. Vous avez 41 ans, vous êtes médecin, mais vous ne l'êtes plus, vous n'exercez plus. Médecin un jour, médecin toujours. Vous êtes directeur de la recherche au musée du Quai Branly, musée des arts premiers, Jacques Chirac. Et votre passion, ce sont les restes humains. Alors, je suis médecin légiste, en effet, archéo-anthropologue, et en fait, c'est pas ma passion, c'est mon métier, tout simplement. C'est-à-dire que je me consacre à l'étude des restes humains anciens, et après avoir beaucoup travaillé sur des restes humains récents pour la justice française et un peu internationale, et aussi j'utilise les techniques de la médecine légale et de la médecine en général pour les objets de musée, qu'il s'agisse de fétiches, qu'il s'agisse de squelettes, de momies ou encore des textiles ou autre chose avec des tâches potentiellement biologiques. Donc c'est un petit peu la médecine au service d'un peu tout. La première personne venue ne peut pas servir à les dissections pour les étudiants en médecine, et il nous a rappelé le fait que c'est comme si on avait un patient devant nous, une personne devant nous, donc par exemple que cacher le visage, c'était pas forcément une chose qui était très digne de la personne qu'on avait devant nous, parce que c'était une personne à part entière, et donc de voir son visage, c'était aussi se rappeler que c'est une personne qui avait une histoire, que c'était pas juste un corps. Là-dessus, c'est vrai que ça nous avait pas mal aidé, je pense. En tout cas, un peu décomplexé, parce que c'est vrai qu'on arrive en deuxième année, tout début de deuxième année, on connaît pas grand-chose encore à la vie médicale, on connaît pas grand-chose à la maladie, à la mort. Et puis on se retrouve vite dans une salle où il y a 25 corps, on doit disséquer des gens. Donc voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui appréhendaient la chose, et c'est vrai qu'il nous a pas mal détendu avec ça. Bon, après, il y avait l'odeur qui était pas forcément des plus agréables. Donc, tout le monde avait son petit baume du tigre. L'odeur, elle est sensible immédiatement? C'est plus en fait, c'est dans une, faut imaginer ça dans une grande pièce très très haute de plafond avec, on va dire, une vingtaine de tables comme un brancard, quoi. Où il y a des corps qui sont allongés avec un drap. Enfin, c'est un petit peu couvert. Donc, nous, on arrive. Il y a tout un processus avant que la personne soit disséquée. C'est pas des corps. Donc il y a toute une préparation qui font que ça n'a pas non plus une odeur de putréfaction ou de décomposition, on va dire. C'est vrai que quand on ouvre le corps, forcément il y a quelques odeurs, mais c'est pas quelque chose qui est insoutenable. Mais c'est vrai que c'était un des paramètres, je pense, qui faisait le plus peur aux étudiants, plus que de la vision du corps, cette odeur. Lié à aux dissections, donc ça c'était impressionnant, mais a priori tout le monde s'en est sorti. Je suis chez monsieur le professeur René Piedelièvre. 7 décembre 1951. Que sa qualité de médecin expert auprès des tribunaux rend particulièrement bien familier au public. La crainte d'Edgar Poe, la crainte qui obsédait véritablement Edgar Poe, la crainte d'être enterré vivant, est-elle véritablement fondée de nos jours? Non. Il est certain qu'il n'y a aucun risque d'être enterré vivant. Et on peut dès à présent être rassuré d'une façon absolue. On raconte pourtant beaucoup d'histoires. Oui, mais c'est parce que, d'une façon générale, la mort effraie et c'est naturel. Et devant cette crainte de la mort, devant ce fait qu'on comprend mal qu'un individu qui était vivant quelques instants auparavant, qui parlait, qui était intelligent, cesse tout à coup toute activité, ceci étonne d'une façon absolue et on craint qu'il ne soit pas mort. La putréfaction, Philippe Charlier, elle se traduit par quoi? On distingue la décomposition, qui est l'apparition de signes de mort et un début de dégradation du corps, par exemple avec les lividités cadavériques, par exemple avec la rigidité cadavérique, qui surviennent très vite, respectivement quelques minutes puis heures après la mort, et puis également la putréfaction, qui est un phénomène qui suit, généralement dans les 40, ça commence 48 heures après la mort, dans un climat qu'on va dire occidental classique, et ça commence par une tache verte abdominale, donc c'est la multiplication des bactéries au niveau du cécum, le début du côlon droit, qui est la poche la plus remplie de bactéries, tellement de bactéries que ça va prendre une coloration verdâtre assez caractéristique, qui va passer à travers la peau, ensuite ça va donner une tache verte abdominale de l'autre côté, en fosse iliaque gauche, ça va se rejoindre l'un et l'autre par le côlon, donc former une sorte de pont, puis tout l'abdomen va être vert, ce qu'on appelle la tache verte abdominale complète. Et ensuite, cette pullulation des bactéries va faire des dégagements gazeux dans les intestins, qui va ensuite gagner les vaisseaux adjacents, et le sang lui-même va commencer à coaguler. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une nouvelle circulation veineuse et artérielle, qui n'est pas efficace bien sûr, qui est ce qu'on appelle la circulation veineuse posthume. Quand on ouvre les vaisseaux à ce moment-ci de la putréfaction, le sang peut sortir en bouillonnant. Et on se demande même si ce n'est pas ce type d'observation-là qui a fait croire, si on peut dire, au mythe des vampires dans toute l'Europe de l'Est, puisque des morts n'ont pas retrouvé la vie, mais retrouvé un bouillonnement dans leur vaisseau. Et puis ensuite, cette putréfaction va gagner de façon centrifuge, partant du ventre, l'ensemble de l'organisme, vers la tête, vers les membres. La pression abdominale va être tellement forte qu'elle va faire des dégagements gazeux extrêmement importants. Les femmes enceintes qui sont mortes peuvent expulser post-mortem leur bébé, leur fœtus ou leur embryon, ce qu'on appelle un accouchement posthume. Quelques cas archéologiques ont été décrits d'ailleurs, et puis des cas médico-légaux. De la même façon, la putréfaction qui était, vous avez compris, à l'intérieur du volume corporel va diffuser à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'air va pousser tellement de façon importante dans le ventre puis dans le thorax qu'il va y avoir une régurgitation de matériel alimentaire par la bouche et du coup par le nez, par la bouche, le contenu de l'estomac va sortir et la putréfaction va devenir au niveau du visage. Même chose au niveau de l'anus et comme ça, ça va gagner le bassin puis les cuisses. Sinon, il aurait fallu attendre beaucoup de temps, le franchissement des différentes parois pour que la putréfaction survienne à l'extérieur. Puis dernière chose, pour les gens qui sont dans leur cercueil ou, pour les périodes anciennes, dans leur sarcophage, les deux mains posées sur le ventre, eh bien, la pression abdominale peut être tellement importante qu'elle peut faire éclater le ventre. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Eh bien, les mains, à ce moment-là, qui sont posées sur le ventre, se retrouvent posées sur les côtés du corps, ce qui explique des changements de position corporelle, notamment dans des contextes archéologiques ou anthropologiques. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser. Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Alors moi, je m'appelle Yannick Tolilahue et puis en fait, je suis cadre de santé. Je suis responsable de la chambre morture de Bichat, de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Beaujon. Voilà, donc je gère deux équipes. On a environ 2000 décès par an, avec la spécificité des hôpitaux qui nous hébergent. En fait, la chambre mortuaire, ça dépend d'un établissement de santé, contrairement à la chambre funéraire, qui, elle, est l'appendice des pompes funèbres. Donc nous, on s'appelle vraiment une chambre mortuaire, on ne s'appelle plus une morgue, un amphithéâtre, un dépositoire, j'en passais des meilleurs. Et en fait, on a dans nos chambres mortuaires tous les patients qui peuvent arriver aux urgences de notre hôpital ou qui peuvent être hospitalisés. Donc on a la spécificité de ces hôpitaux, beaucoup d'adultes, hein, moi que de l'adulte, mais aussi du bébé puisqu'on a des maternités. Donc ça peut être des bébés morts-nés ou des bébés nés vivants et viables puis morts, mais toujours en très bas âge, quoi. J'ai pas d'enfant. Après on a aussi la chambre mortuaire, c'est assez particulier quand on regarde bien, il y a plein de tâches que l'on fait et qui sont inconnues du grand public. Donc on gère aussi tout ce qui est pièce anatomique. Vous savez, la définition d'une pièce anatomique, c'est toute partie du corps humain pouvant être identifiée par un non spécialiste à l'œil nu. Donc à partir du moment où vous prenez quelqu'un qui n'est pas du milieu médical et qui peut vous dire ah ben ça c'est un doigt, un bras, une jambe, ça ne pourra pas partir avec les déchets hospitaliers. Donc c'est tracé, le chirurgien Monsieur Untel va enlever la jambe de Monsieur Tartampion et puis va demander la destruction de la pièce anatomique. Elle va être acheminée à la chambre mortuaire. Et nous, on fait partir donc tous les mois des caisses entières de pièces anatomiques vers le crématorium du Père Lachaise. Mars 1975. Puis-je, Monsieur Lemonnier, vous poser une question ? Une de mes amies a perdu récemment sa belle-mère et c'était une personne pratiquante. On a donc demandé à un prêtre de venir administrer l'extrême onction. C'est très difficile de trouver un prêtre parce qu'il s'arrête à l'heure du déjeuner, parce que le lundi ils sont en conférence, on ne dit pas séminaire, etc. Et lorsque ce prêtre est venu, il a administré rapidement l'extrême onction. Et il a dit, nous sommes à la veille de Noël, période de fête, je n'ai pas le temps de propager. Et j'ai appris avec stupeur que maintenant, on propageait l'extrême onction une fois pour toutes, parce qu'il y avait des accidents de la route. Je ne comprends pas ce que vous dites. Moi non plus, je n'ai pas compris. Le temps de propager, je ne connais pas cette expression-là. Eh bien, il s'agit d'un prêtre d'une paroisse d'Orléans, qui, lorsqu'il est appelé pour une extrême onction, propage, selon son expression, à l'Assemblée, parce qu'on ne sait jamais, une fois pour toutes, comme un vaccin ou... Ah, il donne l'extrême onction à un groupe de personnes. Non, je pense que vous voulez faire allusion, mais ça vous a été sûrement très mal rapporté, madame. Vous voulez faire allusion à cette, non, on ne dit plus l'extrême onction maintenant, mais le sacrement des malades, qui peut se donner dans certains cas de façon collective. Vous voyez, l'extrême onction n'étant pas un billet de passage pour l'au-delà, un billet d'entrée au ciel, mais plutôt le soutien, le réconfort de Jésus-Christ pour affronter les difficultés, les épreuves de la maladie ou de la vieillesse. Martin Hirsch, vous êtes directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous avez fait des études de médecine, 5 ans d'études de médecine. Absolument. Vous réagissiez comment en voyant des cadavres ? Alors, je ne sais pas si j'aurais utilisé le mot cadavre, mais je me souviens très précisément d'avoir été confronté pour la première fois à la mort et à un mort. C'était en juillet 1984. J'étais à la fin de ma première année de médecine. J'avais, comme beaucoup de jeunes étudiants en médecine, pris un travail d'agent hospitalier. C'était à l'hôpital Sainte-Anne, au milieu de Paris. C'était un service de neurochirurgie, donc on voyait des accidentés graves. Et je me suis trouvé donc confronté. Agent hospitalier, c'est celui qui change les draps, qui s'occupe d'apporter les plateaux repas. Et j'ignorais que c'était aussi celui qui devait s'occuper d'envelopper et de transporter les morts. Quand j'y pense d'ailleurs par rapport aux hôpitaux aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe avec les brancardiers, mais là j'ai fait ce brancardage-là. Je me souviens très précisément qu'on m'a demandé d'aller cacher ce mort dans la petite pièce où les infirmières entreposaient le matériel pour éviter que d'autres personnes ne le voient, de guetter le moment où il n'y aurait personne dans le couloir, de le prendre et de le mettre dans un brancard, sur un brancard, et d'aller le transporter à la morgue, c'est un bâtiment, un hôpital pavillonnaire, qui était à l'autre bout de l'hôpital. Je l'ai fait avec un de mes camarades, Olivier. On l'a transporté, et puis la pression était tellement forte qu'on s'est dit, tiens, on va faire une course, et on s'est mis à courir avec le brancard, à prendre les tournants dans ces allées pavées de l'hôpital comme si on conduisait une voiture de course. Ce qui devait arriver arriva, le brancard a versé, on s'est retrouvé avec notre mort dans le fossé, la jambe en l'air. Là, on a eu un fou rire qui nous a libérés et que je considère comme effectivement le moment de bizutage par rapport à la mort, un moment précis où le brancard rate son tournant. Non seulement c'est le premier patient mort que je voyais dans l'exercice de mes fonctions d'agent hospitalier, mais c'est la première fois que j'étais confronté à la mort et à un mort. Et pourtant, j'avais donc 20 ans ou 21 ans. Et j'en ai beaucoup discuté parce que la société d'aujourd'hui, par rapport à celle, en tout cas de mes parents, je ne sais pas si on peut dire nos parents, ça dépend de l'âge des auditeurs, mais de nos parents ou de nos parents et nos grands-parents étaient confrontés dès leur jeune âge à un mort dans leur entourage. Mais moi, j'ai vécu jusqu'à... Ma famille a connu des morts avant ma naissance, mais j'ai vécu 20 ans sans aller à un enterrement. Jamais un enterrement de proches, jamais un enterrement de famille, jamais à savoir ce que c'était que le deuil et la mort. Et je trouve que ça dit beaucoup sur ce changement en une ou deux générations. Que vous avez vu vivant puis mort. C'est étonnant parce que ça arrivait assez tôt dans mes études de médecine. Lors de mon tout premier stage, J'étais en deuxième année et avant de commencer les stages, vraiment les stages à l'hôpital, on a ce qu'on appelle un stage infirmier. Donc on passe un mois avec du côté infirmier aide-soignant. Et je me souviens de cette patiente, une personne âgée qui a des soucis de santé mais qui réussissait à remonter un petit peu la pente. Et en fait, son mari qui était hospitalisé en même temps est décédé pendant l'hospitalisation et cette dame s'est dégradée en l'espace de 2 jours. Malheureusement, les personnes âgées, c'est un peu ça. Quand il y en a un qui décède, l'autre peut se dégrader assez vite et c'est ce qui est arrivé chez cette dame. Donc je l'avais suivie depuis 15 jours, donc forcément on s'attache un petit peu, ce côté un peu empathique. Et je suis arrivée dans la chambre un après-midi, et donc on l'avait déjà mis, on va dire, sous des traitements qui soulagent un peu le malade en termes de douleur, en fin de vie. Donc c'est des gens qui vont avoir un masque, des gaz particuliers, des traitements particuliers, donc on était déjà dans du soin palliatif. Donc je suis arrivée dans cette chambre et donc la dame que j'avais suivie, je lui dis, j'ai essayé de la réveiller, premier abord en croyant qu'elle dormait. Et finalement, j'ai compris assez vite que la dame était décédée. Et donc j'ai même pas pensé à prendre son pouls ou à faire des... En plus j'étais totalement inexpérimentée, mais je lui ai tout de suite, je m'en souviens, touché la peau. Et j'ai compris, en fait, je lui ai touché le front. Et j'ai très vite compris que la patiente était décédée parce qu'elle avait la peau, elle était fraîche. Donc voilà, j'ai compris assez vite. Et donc j'étais la première personne qui la voyait morte. Donc moi, qui n'avais jamais vu de personne décédée, n'ayant pas connu de... Enfin, mes grands-parents sont toujours en vie. Donc j'avais vraiment jamais eu affaire à la mort. Donc je suis arrivée un peu impuissante vers mon interne que je connaissais pas tellement, en lui disant... Bon, bah écoute, je crois que la patiente est morte, tout simplement. Enfin, c'est très simple à dire, mais. Et donc, lui, il m'a regardé, et je me souviens, il a une réaction qui m'a vraiment beaucoup énervée, c'est qu'il s'est moqué de moi. Je pense que j'avais l'air peut-être un peu désemparée, ou en tout cas, ne sachant pas quoi dire. Et je me souviens qu'il s'est vraiment moqué de moi, et c'est quelque chose qui m'a. Plus que la patiente décédée pour laquelle j'étais triste, c'est cette réaction qui m'a touchée. Je me souviens même avoir pleuré après. Après ça, mais plus d'énervement, parce que je trouvais on se moque pas de quelqu'un qui vient de rencontrer, qui vient d'avoir affaire à la mort pour la première fois, et pouvait se douter que c'était quelque chose de choquant, alors que lui, bon bah voilà, la mort c'était quelque chose qu'il côtoyait probablement depuis déjà plus d'années que moi, donc et c'est vrai que c'était un... Après, je m'en suis vite remise, mais c'est vrai que c'était un choc. Vous savez, un corps, c'est vraiment une machine très complexe. Hein. Et en fonction de la pathologie, les corps évoluent différemment. Donc, et puis, ils arrivent aussi plus ou moins abîmés. Un corps chirurgie cardiaque, c'est déjà... voilà. Après, un traumatisme de la route, c'est autre chose et autre. Mais bon, en général, nos corps, oui, le froid, c'est un magnifique moyen de conservation. On a en plus des pièces à température négative, donc on peut congeler. Ça, il faut le savoir. Donc, effectivement, une fois qu'on congèle, on voit bien ce qui se passe chez nous. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, on arrive à faire une bonne conservation. Après, moi, je ne suis pas une fanatique des soins de conservation qui sont faits par des thanatopracteurs, pardon, donc c'est de la thanatopraxie. On va les recommander parfois pour nos grands voyages à l'étranger, des patients qui vont repartir en Afrique. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout fait pour les pays du Maghreb, ni pour les pays musulmans, hein, ou la religion musulmane, ni israélite, qui ne veut pas de soins de conservation. Mais quand j'ai tendance à garder un corps très longtemps, effectivement, je vais très souvent conseiller un soin de conservation. J'ai un thanatopracteur dans l'équipe de Bichat, mais il n'a pas le droit d'exercer cette profession. Ce n'est pas un métier de la santé publique. Voilà. Donc il est agent de service mortuaire. En chambre mortuaire, on a deux métiers. Le responsable de service mortuaire et l'agent de service mortuaire, quel que soit leur grade. Donc en responsable, il peut y avoir des cadres infirmiers ou des infirmières faisant fonction de cadre ou des infirmiers référents, voilà. Et en agent de service mortuaire, et ben on a des infirmiers, des aides-soignants et encore des agents hospitaliers, même si on essaie d'avoir de plus en plus de soignants. Ils sont volontaires pour venir travailler ici, tous? Ouais, c'est une très bonne question. Oui, ils sont volontaires. Donc on se bat pour que justement on nous impose pas. Vous savez que la fonction publique, c'est un truc à part, quoi, hein, franchement, où on a encore des gens qui font pas l'affaire et qu'on peut absolument pas, dont on peut pas se séparer. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est encore possible en 2018. Et c'est infernal parce que c'est ce que j'appelle des pattes cassées. Ces pattes cassées, on se les refile de service en service. Donc c'est à nous de nous battre pour... C'est déjà compliqué de recruter quelqu'un et d'être sûr de notre recrutement, parce que c'est au fil des jours que l'on va voir si la personne... Vous savez, c'est ce que je dis, chambre mortuaire, c'est incroyablement difficile de recruter quelqu'un, parce que qu'est-ce que vous demandez aux gens? Quelles sont vos motivations? Comment vous arrivez en chambre mortuaire? Pourquoi vous voulez vous occuper des morts? J'adore la mort, moi, madame, regardez, j'ai un super tatouage sur l'épaule, où je fais ça. Ça, c'est, pour moi, c'est clair et net, c'est... non, niette. Ou du style, voilà, moi, je fais de la méditation, je sais pas quoi, truc mûche, et je parle aux morts. C'est, voilà, c'est des gens qui sont quand même... On est vraiment en autarcie, on travaille... le moins possible seul, mais le week-end, par exemple, dans des grandes chambres mortuaires comme Bichat-Beaujon, les agents sont seuls. Et il faut qu'on ait une confiance exemplaire en nos patients. On voit bien toutes ces dérives qu'ils peuvent avoir. Il y a eu des films qui peuvent se faire, des photos qui peuvent se faire. Il faut absolument qu'on soit sûr que rien de ça ne puisse filtrer dans les médias, ne puisse... Un corps, c'est sacré, quoi, hein, même s'il est mort. Il appartient au patient, déjà, même s'il est décédé, et puis après, un peu aux proches. Hein, on est vraiment là pour faire respecter la législation, l'éthique, la loi. Voilà, c'est très réglementé. Et moi, je ne suis pas là tout le temps. Je suis en plus en deux sites. Il faut que mes agents, je sache qu'ils doivent tout savoir faire et pouvoir s'occuper de tout sans que je sois là, quoi. Effectivement, de toute façon, en travaillant ici, effectivement, comme tu dis, Annick, je pense que les barrières se mettent automatiquement. Parce que c'est vrai que si les barrières ne se mettent pas, je pense qu'on n'a pas sa place en chambre mortuaire, parce qu'après, ce serait trop prenant, ce serait pas possible. Donc, effectivement... Vite partir en cacahuète. Hein. On a eu voilà tous nos agents qui étaient pas faits pour la chambre mortuaire, qui avaient des problèmes avec les vivants, qui avaient des problèmes d'addiction. Les mettre dans un milieu comme le nôtre où je comprends pas comment ils s'en sont pas rendus compte avant. Hein. Donc on a eu énormément d'agents avec des dérives alcooliques, des trucs. Maintenant c'est fini quoi. Ça il faut vraiment faire en sorte que s'il y a bien un service où il faut choisir de venir bosser, c'est à la chambre mortuaire. Et ça, j'espère que tous les directeurs des soins m'entendront et le comprendront. Hein. Franchement, c'est pour moi primordial. Robert Sabatier, 6 mars 1975. Non, je voulais dire, je répondais à la question précédente, je voulais dire, oui, congelez-moi, je suis assez curieux pour essayer de réapparaître dans 5 siècles, pour sortir de ma boîte et voir ce qui va se passer. On parlait aussi de la peur de la mort. Par une anecdote, je pourrais vous en donner un signe. Quand je fais une signature de mes livres d'hiver, je dis au libraire, ne mettez jamais le dictionnaire de la mort devant, ça fait fuir tout le monde. Et c'est vrai. Un jour, on a présenté à un éditeur italien, un agent littéraire a présenté à un éditeur italien important ce dictionnaire pour lui proposer de traduire, l'a posé sur son bureau, il s'est mis à pousser des cris, enlevez-moi ça de là, ça va me porter malheur. Il y a une peur constante de la mort. Et puisqu'on parlait de science-fiction, eh bien, il faut aussi parler des innombrables films de vampires, de l'humour noir, qui est une réaction aimable contre la mort. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Embaume-t-on encore des corps en 2018 et si oui, où? En France, on embaume toujours des corps en 2018 et on en embaumera encore en 2019 et après parce que c'est ce qu'on appelle des soins de conservation de cadavres. Lorsque quelqu'un meurt, le temps que les funérailles s'organisent, ça peut prendre quelques jours, parfois plus, eh bien, les thanatopracteurs peuvent retirer le sang par un petit pli au niveau de la carotide ou encore d'autres parties du corps et aspirer le sang et remplacer ceci par du savon, du formol, de l'alcool, également faire des trous de façon aveugle cette fois-ci au niveau de l'abdomen, notamment au niveau du nombril, l'ombilique, et rentrer ici comme ça avec un trocar à l'intérieur du ventre et aspirer d'un côté le sang et d'autres liquides digestifs, de l'eau qui passe à travers les organes, des œdèmes, et puis remplacer ça par des produits de conservation. Ce qui fait que quand on arrive plusieurs années ou dizaines d'années plus tard sur une exhumation, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit simplement administrative, par exemple une réduction de corps, eh bien on peut tomber sur des corps qui malheureusement, j'insiste, ne se sont pas décomposés, ne se sont pas putréfiés et sont quasiment intacts. Ça devient presque, dans certaines zones du territoire français, et comme également en Allemagne, en Angleterre ou en Suisse, des problèmes de santé publique. Car ces corps qui ne se décomposent pas posent un problème qui est celui de l'espace dans les cimetières, mais posent également un problème de la conservation à plus ou moins long terme d'agents infectieux, bactéries, virus, parasites, peut-être d'autres choses, qui sont stockés dans le volume corporel sous une forme qu'on appelle quiescente, endormie, et potentiellement une source de résurgence d'infection. Donc les thanatopracteurs aujourd'hui ne font pas forcément ce travail, c'est à la demande des familles. C'est à la famille de faire la demande et de payer, bien entendu. C'est un geste qui est commercial. Voilà, ça n'est absolument pas systématique. Ça n'a rien à voir avec l'embaumement à l'égyptienne ou d'autres types d'embaumement. Ce n'est pas un embaumement qui est externe, c'est purement un embaumement qui est interne, auxquels peuvent s'ajouter d'autres choses, qui sont par exemple les toilettes funéraires. Mais la toilette funéraire, c'est simplement comme une douche, si on peut dire, d'un cadavre qui est allongé, bien entendu, avec un dépôt de parfum ou de substances odorantes. C'est quelque chose qui est plus à vocation esthétique à très court terme, ou religieux, ou les deux, principalement olfactif d'ailleurs en l'occurrence, mais ça n'est en rien un embaumement. Pourquoi y a-t-il, Philippe Charlier, tant de momies en Italie ? Il y a beaucoup de momies en Italie parce que sous l'impulsion de la communauté franciscaine et notamment des capucins, eh bien, les nantis, ceux qui avaient bien profité de la vie, les avocats, les notaires, ne me demandez pas pourquoi je cite les avocats en premier, j'aurais pu dire les médecins, voilà, les personnes qui appartiennent à l'élite, à la voie financière, économique et politique, essayaient de se racheter un tout petit peu leur belle existence sur Terre et de faire ce qu'on appelle un memento mori. Voilà, souviens-toi, nous avons été ce que tu es et tu seras ce que nous sommes, semble dire ces cadavres préparés dans les cryptes de beaucoup d'églises et de couvents capucins, par exemple à Palerme, mais pas que, il y en a dans toute la péninsule italienne. En fait, les gens payaient et ça leur permettrait de se rattraper, ils se faisaient embaumer par des procédés divers, mais généralement c'était pas trop des éviscérations, c'était plutôt, on les mettait sur des sortes de trônes percés, de chaises percées, et tous les liquides corporels coulaient à travers l'orifice anal, et la momie se desséchait au fur et à mesure. On pouvait également les suspendre à des peupliers, par exemple, avec le vent, ils se desséchaient, avec les émanations de soufre venant de Sicile également, sur le bord de l'Etna, avec les embruns qui venaient de la mer, tout ça facilitait le dessèchement de ces corps, sans qu'on ait forcément besoin d'en retirer les organes internes. Eh bien, quand on va dans ces églises, ces morts du passé augmentaient, si on peut dire, leur chance d'entrer au paradis, malgré les certains péchés qu'ils avaient faits, notamment capitaux, que ce soit l'avarice ou que sais-je encore. Eh bien, comme ils avaient payé par leur cadavre, ça effaçait peut-être une petite partie de leur péché, c'est du moins ce que leur laissaient entendre les capucins. En tout cas, ça a fait la richesse des capucins. Sophie, vous allez de temps en temps dans les services où les patients sont malades et vivants ? Non, pas du tout. À aucun moment. En fait, nous, on reste vraiment en chambre mortuaire. Donc, en fait, on n'est pas, on ne côtoie pas en fait les patients. Les familles, les soignants, on les reçoit ici. Oui, les soignants, on les reçoit. Les soignants, on est amené à les recevoir ici. À partir du moment où ils peuvent descendre, ne serait-ce que pour la levée du corps d'un patient ou pour toute autre chose le concernant. Donc, oui, ça arrive, effectivement. Vous avez changé d'idée sur votre propre mort et la façon dont vous aimeriez que vos funérailles s'organisent en travaillant dans une chambre mortuaire ? Oui, totalement. Je vois mes funérailles d'une façon différente. Je m'imagine déjà comment j'ai envie d'être habillée. Après, ce sont des petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en travaillant, apprendre dans le domaine mortuaire, après, c'est vrai qu'on peut plus dire qu'on a peur de la mort parce qu'on sait que c'est une continuité. Il y a un début et il y a une fin. Hein. Donc, de toute façon, on sait que on va y passer un moment ou un autre. Après, c'est vrai que nous, on est beaucoup confrontés. Hein. Donc, en fait, je pense qu'on est beaucoup plus réaliste par rapport à la vie, et je pense que on prend la vie à pleines dents, mais vraiment à grosses dents. Ouais. Et on profite encore plus de la vie, je pense. Oui, moi je rigole parce que je confirme totalement. C'est vrai que bon, alors au sein de l'équipe, mais c'est vrai que moi, pourtant, j'ai quand même travaillé beaucoup dans le SIDA où les gens mouraient, mais j'avais pas cette Je pense que j'ai changé, moi aussi, en 8 ans. On voit tellement de choses aberrantes. À Beaujon, il y a une grande garde neurologique, donc on a énormément de jeunes, des traumatisés de la route. Alors moi, je fais de la moto, hein, vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire de la moto. Mais bon, des suicidés, des jeunes qui montent sur le toit, qui tombent, des jeunes qui font des concours à la con et qui meurent, des jeunes qui... Et on se dit, ben oui, on n'est pas à l'abri. Alors on ne va pas aller traverser le périphérique, les yeux bandés, en se disant, on va voir si c'est le jour ou pas. Mais... je pense que ici on a des gens qui sont heureux de vivre, quoi, hein, qui ont, et on se rend compte que c'est pas, voilà, c'est, on nous donne un paquet d'années à utiliser, faut les utiliser au mieux, hein, parce qu'elles sont pas extensibles à vitam aeternam, on le sait ça. Hein. Donc on arrête de se morfondre un peu sur nos petits bobos. Alors bon, ça, toute la misère du monde, on peut pas l'absorber non plus. Hein. Il nous arrive de pleurer, d'être pas content, de manquer de ci ou de ça, de se retrouver, de divorcer, d'être célibataire, de retrouver l'amour, de le perdre. Et c'est vrai que quand même, on fait des... on n'a pas vraiment besoin ici de groupes de parole où on... À chaque fois que j'ai voulu faire venir une psychologue, je me suis fait envoyer promener en me disant « Mais on fait notre groupe de parole entre nous !» Je dis « Oui, c'est vrai, allez, hop, terminé. » c'est assez sympa comme lieu de travail, franchement. Enfin, moi, j'aime, hein, maintenant... Richard Rechtmann, anthropologue. Les morts sont partout. Alors c'est très drôle parce que vous avez des gens qui vont vous dire « Nous, les sociétés occidentales, on n'a pas de fantômes, on n'y croit pas. » Bien sûr qu'on croit toujours aux fantômes. Sinon, on ne donnerait pas les noms de rue à ces gens-là. Les morts sont partout, mais ce sont des défunts. Ce ne sont jamais des dépouilles, on ne pense jamais à eux sous la forme cadavérique. On ne les pense pas au moment où ça s'est arrêté. Donc la représentation de la mort que nous avons est celle de la vie, avant qu'ils meurent. Derrida le dit très très bien, personne ne peut mourir à ma place. Ça veut tout simplement dire que le moment de la mort, c'est un moment de subjectivité radicale. Personne ne peut prendre votre place à ce moment-là, personne. Personne, ça veut dire que si quelqu'un meurt à votre place, c'est lui qui meurt, mais pas vous. Donc c'est un jeu de chaise musicale, si vous voulez. Mais la mort ne peut m'affecter que moi, et uniquement que moi. Ça a une conséquence, cette formulation très importante, c'est que si personne ne peut mourir à ma place... C'est que je suis le seul à pouvoir mourir quand je meurs, sans même le savoir. Puisque justement, quand on meurt, on ne le sait pas. Seuls les vivants savent que les morts sont morts. Les morts, ils ne savent pas. Philippe Charlier, est-ce qu'un corps qui est dans l'eau, par exemple s'il y a une remontée des nappes phréatiques dans un cimetière, va se conserver mieux ? Les conditions optimales de conservation d'un cadavre, c'est soit totalement au sec, soit totalement dans l'eau, ou dans un milieu qui est extrêmement froid, congélation par exemple, dans un milieu qui est très acide, et dans un milieu qui est anaérobie, c'est-à-dire privé d'oxygène. Alors du coup, eh bien, un corps qui est dans le fond d'un lac, par exemple, peut être très très bien conservé. Un exemple, il y a eu il y a quelques années un glissement de terrain dans un lac italien, et un cadavre qui provenait d'un cimetière médiéval qui avait été en partie englouti, avec ce glissement de terrain, a été remis en suspension, si on peut dire, et remonté du fond vers la surface. Il a été considéré au début, tellement il était bien conservé, comme un cas médico-légal. Et puis ensuite, les études ultérieures, notamment la datation au carbone 14, ont permis de montrer que c'était un corps médiéval, donc du Moyen-Âge. D'autres cas, la découverte de Ozi, par exemple, dans les Alpes austro-italiennes, au début, il s'est vraiment posé la question de savoir si c'était un corps récent, des années 1940, par exemple, ou encore plus récent. La découverte d'objets archéologiques, transition néolithique, âge du bronze, a montré qu'évidemment c'était un corps beaucoup plus ancien. Et même chose, dernier cas, avec l'homme de Tolund, qui a été retrouvé dans les années 50 au Danemark, dans une tourbière. Donc là, c'est un milieu qui est acide, anaérobie et humide. C'est le fond d'un marécage, tout simplement, rempli de mousse. Le milieu de conservation idéal pour un cadavre. Le corps était tellement bien préservé, tout son volume corporel intact, momifié de façon naturelle, encore les poils de sa barbe mal rasés comme moi aujourd'hui, par exemple. Petite différence avec moi, en revanche, il était égorgé, et il avait eu une pendaison factice, il avait encore sa corde autour du cou et son petit bonnet en cuir sur la tête. Eh bien, le corps était dans un état tellement impeccable qu'on a d'abord appelé le médecin légiste avant d'appeler les archéologues. Donc, il y a des corps momifiés qui sont presque en meilleur état de conservation que certains patients vivants. vous avez eu un moment d'adaptation compliqué? J'ai eu très peu finalement, franchement très peu. Au départ un petit peu quand même, parce que moi quand je parle on me dit mais tu parles toujours de tes patients. Je dis oui, moi ma spécialité c'est la mort. Hein. Moi mes patients ils sont décédés. On n'arrive pas, il faut savoir que pour arriver dans nos chambres mortuaires il faut arriver un petit peu vivant à l'hôpital, c'est ce que je dis. Ou très vivant. On n'a pas du tout, vous pouvez faire un accident de la voie publique juste sur le trottoir en face de la chambre mortuaire et être à 10 mètres, ce ne sera pas chez nous que vous allez venir. Vous voyez ? Donc en fait, on est quand même un service de soins. Moi, je suis cadre de deux services de soins incroyables qui sont le service de soins de la chambre mortuaire. Voilà. On est un des services qui travaillons le plus avec tout ce qui est transversal. On travaille avec la police, les mairies, les fleuristes, les différents états civils de nos mairies territoriales, la direction des soins, tous les services de soins. Donc voilà, on devient un peu expert en le domaine. C'est un milieu qui est pas ouvert, hein, faut pas croire. Alors, mes prédécesseurs ont donné le bâton pour se faire frapper. Hein. Les chambres mortuaires, c'était... on mettait dans les chambres mortuaires tous les patients qui pouvaient pas s'occuper des vivants. On leur disait, tu sais pas t'occuper des vivants, tu vas aller t'occuper des morts. Pas de... Voilà. Et après, c'était des milieux très fermés où les gens n'avaient pas particulièrement envie de venir. Hein. Même moi, j'avoue que... c'est pas quand on s'occupe d'un patient pendant très longtemps, et on a fait le deuil. Moi, j'ai préparé des patients, des dizaines de patients, des toilettes mortuaires quand je travaillais dans le SIDA, et je voulais même pas savoir. Je me suis jamais posé la question à savoir ce qui devenait. Quoi, c'était fini. J'avais fait ce que j'avais à faire. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a encore une équipe. Alors en bas, je dis toujours en bas, mais parce qu'on est très souvent ou au fin fond de l'hôpital. À Beaujon, on est tout au fond de l'hôpital. Ici, on est au deuxième sous-sol. Mais on n'a pas bien entendu les places privilégiées. Mais peu importe. Après, quand si on ose pousser la porte, on voit quand même un monde complètement différent. J'ai dit toujours que les chambres mortuaires, ce sont des véritables lieux de vie et d'échange et de partage. Quoi, voilà. D'un point de vue anthropologique, comment, avec quels adjectifs qualifieriez-vous notre attitude vis-à-vis des morts maintenant en France ou en Europe ? Alors en Occident, mais principalement en France, c'est une position qui est totalement abracadabrantesque. Non, très sérieusement, elle est très équivoque. Le mot exact, je pense, c'est équivoque. Il y a d'une part une fascination pour la mort. Les gens veulent absolument savoir comment ça se passe, à quoi ça ressemble, à quoi je vais ressembler quand je serai mort, est-ce que je sentirai encore quelque chose, à quoi je vais ressembler, etc. Ce sont vraiment des questions que les patients me posaient, que les familles des défunts me posaient également. Donc ça fait vraiment partie des questionnements du quotidien. Cette fascination pour, qu'on peut même sentir dans des séries qui passent à la télévision ou autre chose, c'est dans l'esprit du moment de s'intéresser à la mort. Mais dans le même temps, il y a aussi une défiance de la mort, une volonté de ne pas voir la vraie mort en face. On accepte de voir une mort fantasmée, dans les séries à nouveau, dans des expositions, dans des objets culturels ou de musées. On accepte quand c'est la mort des autres, mais quand c'est sa propre mort, quand c'est la mort de nos proches, quand c'est une mort qu'on ne peut pas domestiquer, qu'on ne peut pas maîtriser et qui risque d'être une source de souffrance absolue, quand la mort en gros est un scandale personnel, là il y a une défiance totale. Et bien ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les périodes plus anciennes en Occident, ça a été remarquablement bien écrit par Philippe Ariès. Avant on emmenait les enfants aux funérailles, maintenant vous n'en voyez plus. Avant le mort restait 3-4 jours dans la maison, les enfants dormaient à côté, le regardaient, lui... Voilà, il y avait une proximité de la mort qui a totalement disparu. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, c'est l'évolution actuelle. C'est cette ambivalence, cet équivoque de la mort, c'est vraiment l'apanage de l'Occident au XXIe siècle. Et vous pensez l'avoir, vous aussi, ce comportement équivoque vis-à-vis des morts, c'est-à-dire un mort proche serait pour vous aussi un scandale et effrayant ? Comme beaucoup de gens, j'ai évidemment été touché par la mort de façon personnelle et on ne peut plus proche. Je ne peux pas vous répondre parce que j'ai un regard de professionnel vis-à-vis de la mort, qui est quasiment une collègue de travail pour un médecin légiste. J'ai évidemment trouvé ignoble la mort de la personne à laquelle je pense. Voilà, c'est pour moi quelque chose qui est totalement du domaine de l'inacceptable, mais j'appartiens au XXIe siècle. Donc voilà, Nora, vous savez que pour fermer des cercueils pour les départs en crémation, il y a des scellés qui sont mis par la police. Donc on travaille avec la police aussi, et donc Nora qui fait partie du commissariat du 18e et qui est habilitée à venir sceller les cercueils au moment des crémations. Cette femme policière va voir le corps ouais, ou le... Oui, tout à fait, si, elle va voir le corps et elle va lire le bracelet d'identification avec nous. Voilà, pour s'assurer que... Alors eux, les scellés sont mis, la police doit s'assurer par tous les moyens à leur disposition que le corps qui est dans le cercueil est le bon. Alors, là, on a, vous voyez, on est au deuxième sous-sol de la tour, mais en même temps, on est en rez-de-chaussée côté arrière de l'hôpital, ce qui fait que nos convois peuvent partir, et ça paraît logique, hein, il faut avoir un accès direct. Donc, cette chambre mortuaire, elle est toute marbrée, un peu désuète, un peu vieille, mais grosso modo, on fait en sorte, elle peut même être scindée, vous voyez, donc on a 5 salons de départ et de présentation, ce qui nous permet aussi bien de faire les présentations que de faire les départs convois. Donc, okay, je vais voir quand même s'ils n'ont pas en train d'habiller. Vous voyez, ça c'est. Venez, vous allez. Vous êtes là? Vous êtes en train d'habiller? Oui, mon ami. I could sing a new song. Never sing a blue song. Déjà, quand on arrive une première fois et qu'on voit tous ces cercueils, on se dit, oh mon Dieu, on est dans une succursale des pompes funèbres. Et en fait, ce sont les cercueils qui ont été choisis par les familles. Donc ça, ce sont des départs pour demain ou éventuellement après-demain. Donc on garde les cercueils pour pouvoir faire la mise en bière. La mise en bière, c'est le fait de mettre le patient dans son cercueil. Et donc en aucun cas, très rarement, sauf pour les familles musulmanes, ça ne se fait en présence de la famille. Nous, on va faire la mise en bière avec un cercueil ouvert. On met le cercueil sur un tréteau et après nous on va mettre le corps dans le cercueil qui aura été choisi par la famille bien entendu et on va recouvrir à moitié ou faire en sorte qu'il soit présentable. La famille va se recueillir et au moment du départ, ça c'est fait le jour du départ, hein, jamais à l'avance hein, parce que vous imaginez bien, on ne peut pas les laisser dans le salon. Et donc après, les pompes funèbres viennent et font la levée de corps, ce qu'on appelle la levée de corps. Ils scellent le cercueil et ils emmènent le cercueil pour le mettre dans le convoi funéraire vers cimetière, crématorium ou autre. C'est pas comme aux États-Unis où on voit tous ces films avec les cercueils à l'église ouverts et tout ça. Nous, le cercueil, s'il est ouvert ou si le corps n'est pas en bière, c'est qu'où il est au domicile d'une famille ou dans un funérarium ou dans une chambre mortuaire. Une fois qu'il a quitté ça, passé le délai de 48 heures, les cercueils sont fermés. Avec avion, c'est un zinc systématique qui est soudé avec une soudure à froid. Et donc, alors dans certains pays, monsieur Sibi, dans certains pays comme le Mali ou la Mauritanie, ça, les cercueils sont démontés et les patients musulmans sont vraiment mis en terre directement. Mais dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat, Niet Bonbon, je ne pense pas qu'ils le fassent. Et maintenant, les patients sont mis en terre comme ça, avec le cercueil. Et on a des panoramiques comme ça aussi. On a un truc tout entier qui va s'ouvrir et on voit le patient. Alors on ne va pas le voir, il est toujours recouvert de son petit drap et tout, mais en fait, voilà, les gens peuvent le voir en entier. Et on a cette fameuse table avec cette table qui nous permet de faire des toilettes rituelles. Oui, sur conservation. Une toilette rituelle, il faut savoir que c'est une toilette à grande eau, que ce soit pour les musulmans ou pour les israélites, c'est la même chose. Donc le corps est mis nu sur cette table, et va être toiletté par des religieux de même religion que le patient et de même sexe surtout. L'habillage, on va le faire sur le brancard direct, d'accord? Mais par exemple, si vous dites, bah, moi je veux habiller ma mère, moi je dis je veux habiller ma mère quand elle sera décédée, bah, on ne peut pas dire à la famille non, vous ne pouvez pas l'habiller. Donc on va l'accompagner. Bien entendu, on ne va pas la laisser faire toute seule. Ben, démerdez-vous avec votre maman. Pas du tout. Et donc là, vous avez la pièce à basse température, hein, commune avec tous nos patients. Qui voilà. Peut contenir combien de personnes? La 24 bien installées jusqu'à 30 en les mettant, parce qu'on peut mettre des brancards dans des emplacements qui n'ont pas de numéro, mais c'est ce qu'on fait de temps en temps. Hein. Des fois, on a une surcharge de patients. Après, on a deux autres pièces à basse température, mais qui sont moins pratiques, donc on s'en sert aussi. Et on a une très belle salle de prélèvement d'organes et de tissus, mais qui ne nous sert plus, puisqu'il n'y a plus d'autopsies qui se font à Bichat, qui ne nous sert plus qu'au prélèvement de cornée. Donc ces patients-là, on peut éventuellement prélever la cornée. Donc là, pareil, hein, on est soumis à la loi Leonetti. Normalement, s'il ne s'est pas inscrit sur le registre national du refus, il est potentiellement donneur, mais on continue à demander à la famille si elle avait notion des volontés du défunt. Hippocrate a décrit dans ses pronostics le visage de la mort, c'est-à-dire un teint très particulier qu'il appelle un teint grisâtre, olivâtre, qui s'installe sur la peau et les téguments en général d'une personne qui est en agonie et qui va bientôt mourir, pour lequel donc le pronostic est néfaste à court terme. On pourrait dire que oui, c'est un des signes de mort en train de s'installer. Pas les signes de mort, lividité cadavérique, rigidité cadavérique, mais un des signes que le souffle de l'individu est en train de partir. Ça trouve son écho dans le livre des morts tibétains, le Bardotodol. Dans le livre des morts tibétains, il est dit que la mort n'est pas un processus qui est unique, instantané. En un moment, la personne meurt. Non, pas du tout. C'est une extinction des différentes lumières qui composent l'individu. C'est très bien vu et ça correspond exactement à la physiologie humaine. Il faut se souvenir de cette phrase, la vie, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort. Et bien lorsque ces différentes forces s'épuisent les unes après les autres, la mort finit par s'installer. En médecine, on appelle ça une défaillance multiviscérale. Lorsque les organes défaillent les uns après les autres, le foie, les reins, les intestins, le pancréas, et pour finir, le cerveau et, à la toute fin, le cœur, eh bien, dans ce cas-là, la mort a gagné. Eh bien, c'est ça qu'on commence à voir avec ce qu'on appelle le faciès hippocratique. C'était « Mourir à l'hôpital », un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Coralie Nézard, étudiante en médecine, Philippe Charlier, médecin légiste et directeur de la recherche au musée du Quai Branly, Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Richard Rechtmann, anthropologue, et Yannick Tolila-Huet, et son équipe de la chambre mortuaire de l'hôpital Bichat. Merci à Benoît Cohen et Jean-Michel Attal. Prise de son Fabien Gosset, recherche INA Marie Chauveau, mixage Claude Niort. Elle est ce qu'on est, elle nous défait, elle nous refait. Elle nous défait. Chers disparus, vieilles momies, jolis cadavres, fantômes ou revenants, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter à la morgue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram,